pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. ckrl.qc.ca. Bienvenue à Web Musique, la seule émission à Québec à vous proposer une sélection qui est possible de télécharger de façon gratuite et légale. Mon nom est Simon Roy, je suis bien content de vous avoir donc avec moi. On va passer la prochaine heure à écouter de la très bonne musique. Ça vient d'un peu partout, Brésil, Belgique, un peu du Canada. J'ai aussi des groupes russes, donc sans plus attendre, on va débuter avec Ekul qui nous vient du Mexique, qui est sur Breathe Compilation. Excusez-moi, c'est pas ça du tout. C'est plutôt un artiste brésilien, c'est Holocaust, c'est un autre artiste de Berlin du nom de Project Gestalten. Je vous fais passer leur pièce Ideas. Ensuite de ça, c'est un artiste de Toronto qui est remixé. Donc, c'est une pièce de Trust. C'est remixé par un artiste de Brooklyn, Picture Plane. Je vous fais entendre la pièce Salk. Donc, on débute tout de suite Web Music avec Holocaust et Project Gestalten. Thank you.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre une pièce du groupe Trust, donc remixée par Picture Plane, un artiste de Brooklyn. C'était la pièce Salk. On avait débuté avec donc Holocaust and Project Gestalten, c'était la pièce Ideas. Holocaust qui nous vient du Brésil et Project Gestalten qui nous vient de Berlin. La prochaine pièce, ben, j'ai absolument aucune idée du nom du groupe parce que c'est un groupe qui nous vient de la Russie. Le nom du groupe est en cyrillique, le titre de la pièce aussi, donc j'ai absolument aucune idée comment vous prononcez ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mix de classique et de métal. C'est publié sur l'étiquette Next Sound. Tout de suite après ça, on va entendre Ruby My Dear avec la pièce She. Ça, c'est sur l'étiquette NKS International. Donc, on écoute le groupe au nom russe dont j'ignore. We'll be right back. Moulineau, médecin fraîchement marié, a découché. Au petit matin, sa pauvre femme attend des explications. Un visiteur radin est peut-être l'alibi qu'il lui faut. De médecin à couturier, de quiproquo en mensonge, entre la belle-mère et le mari jaloux, Moulineau s'en mêle dans un tourbillon de situations. La troupe Sismo présente « Tailleur pour dames » de Fedeau du 28 au 31 août à 20h au Théâtre Premier Acte, 870 avenue de Salaberry. Entrée 15 $. Tous les dimanches soirs dès 21h, heurtez-vous au mur du son pour une dose hebdomadaire de rock brutiste et expérimental par William Girard et Simon Provencher de 21h à 22h. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de 25 $ d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 200 $. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici trois façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Et finalement, par PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait une pièce de Ruby, My Dear, vraiment excellente. Je me souviens plus du titre, mais mes notes sont loin. Donc, Ruby, My Dear, c'est la pièce She. Ruby, My Dear, ça nous vient de Toulouse, en France. C'était sur l'étiquette NKS International. Pour la suite du beau programme, je vous propose une pièce de Pascal Vert. Je vous fais entendre sa pièce Sorgenkind. Ensuite de ça, c'est de Fucked Up Beat, un groupe que j'apprécie énormément. Donc, qui font des belles collaborations à travers Internet pour réussir à faire leurs albums. C'est sur l'étiquette Haze Net Label. Je vous fais entendre une pièce au titre vraiment très long. La pièce s'intitule « Roswell Blues, Weeping and Undressing While the Sirens of Los Alamos Wailed Them Down ». Donc, on va entendre tout d'abord Pascal Vert, suivi de « Fucked Up Beat ». Thank you.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. C'était The Fucked Up Beat. C'était une pièce tirée de leur album Roswell Radio Cult. Je vous invite à télécharger les pièces de de cet excellent groupe de Fucked Up Beat, toujours en téléchargement gratuit. C'est sur, cette fois-ci, sur l'étiquette Haze Net Label. Je vous invite très fortement à télécharger l'album. Avant ça, on entendait Pascal Vert avec sa pièce Sorgenkind. C'était publié donc sur l'étiquette Wavelike. On poursuit avec Rockam Bonux. Je vous fais entendre sa pièce Buff Wheel, Steam and Colts. Tout de suite après, ça va être Radio Maniac avec la pièce du même nom. Donc, on écoute ces deux artistes-là à Web Music. Oh. C'était une pièce de Radio Maniac, la pièce donc du même nom. C'était sur l'étiquette Southern Cities Lab. Une excellente étiquette, vraiment beaucoup de musique en téléchargement gratuit. C'était tiré donc de leur album Antenna Theory. C'est déjà tout pour Web Music. Il y a un très gros auditoire juste en face de nos studios. On remercie tous les participants. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce de Artificial Sweetener. C'est la pièce Back Through the Labyrinth. Je vous recommande, avant de se quitter, de vous rendre sur le site de Web Music. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir avoir donc la balado puis télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, c'est ça. On se quitte sur la pièce de Artificial Sweetener. La pièce s'intitule Back Through the Labyrinth. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien.